Hello, my friends. Welcome to French Pod. Today we've got an intermediate lesson. It's called Wine Included. My name is JP. Salut tout le monde. Salut JP. Salut. Ça va bien? Oui, ça va, Amaury. Très bien, parce qu'aujourd'hui, on a une leçon concernant un restaurant. Une leçon très intéressante. Mm-hmm. It's making me hungry already. Et tu as raison, parce que, bon, je sais que toi et tous ceux qui nous écoutent, tout le monde aime bien aller au restaurant, aime bien se retrouver à table. Absolutely. Et manger. Yes, you know what? That's the best part of studying French, I think. Mais avant cela, pour y arriver jusqu'au restaurant, okay, il y a une étape avant ça où il faut réserver. Okay, so a little bit of planning has to be involved. Exactement. Right, and here we're actually having a birthday dinner at a fancy restaurant. Un très bon restaurant. Okay. On verra, c'est un restaurant réputé. Oh, wow. A famous one, right? Exactly. Well-reviewed, well-received restaurant. Oui. Alors, j'ai déjà cité le mot-clé ici dans cette introduction. Okay. C'est le verbe réserver. Réserver, okay. Reserved. Oui. Okay, réserver, to reserve, and then the participle is also réserver, so that would be the adjective also, reserved. Exactement. Okay, let's listen for that word réserver in the dialogue, which you're about to hear right now. T'as réservé un restaurant pour l'anniversaire de Julie? Oui, pour jeudi soir, 21h. J'ai réservé pour 11 personnes au Franchouillard. Au Franchouillard? Mais c'est trop cher! Je connais le patron et il nous fait un menu spécial avec une réduction. En entrée, il y a au choix une salade de chèvre chaud ou un plateau de fruits de mer. Mmh. En plat principal, au choix du rôti de bœuf avec champignons et sauce au poivre ou pavé de saumon et sa sauce blanche. Mmh. Et pour le dessert, au choix, fondant au chocolat ou crème brûlée. Waouh! Avec une bouteille de vin de la cuvée du patron pour deux personnes. Donc, vin compris, cela fait 30 euros par personne. C'est raisonnable, non? Ouais, c'est parfait. Surtout que ce restaurant est très réputé. Mais il nous faut aussi du champagne. J'ai pensé à tout. Chaque invité a droit à une coupe de champagne, cadeau de la maison. Waouh! Donc nous revoilà, et je crois en effet que c'est une très bonne affaire. Yeah, I think whoever is organizing this birthday party should organize my birthday party as well. Tu crois que cette fille devrait organiser ton repas d'anniversaire? I would love that. D'accord. Après, je te demanderai, JP, ce que tu choisirais okay entre les différents plats. Okay, piece of cake. Alors, on voit la première question qui est posée. Mm-hmm. Tu as réservé un restaurant pour l'anniversaire de Julie. Okay, this is pretty straightforward for all our intermediate listeners. So, did you reserve a restaurant? Did you book the restaurant for Julie's birthday? Et en effet, elle l'a déjà fait, mm-hmm, puisqu'elle dit oui pour jeudi soir, 21h. Okay, Thursday night, 21 hours. What is that? Amaury, 21 o'clock. Parce que AM et PM, ça n'existe pas chez nous en France. Oh, you don't have AM and PM? Non. Quand c'est la soirée, mm-hmm, ou bien on cite le chiffre, okay, comme 18h, 20h, 22h, et ici 21h. Okay, so it's kind of like military time that American listeners might be familiar with. So 21 o'clock would be 9 o'clock, right? In the evening? C'est ça, oui. Et alors attention, on peut également dire en français du soir. Okay. Donc ce serait ici 9h du soir. Okay. On a ces deux possibilités. Okay. So here she says 21h, and that's 9 o'clock in the evening. It seems a little bit late for dinner, don't you think? Non, en France, particulièrement à Paris, mm-hmm, c'est tout à fait normal. Okay. So 11 of them are going to eat at this fancy restaurant. Can you tell us what it's called? Le Franchouillard. Le Franchouillard. Wow. That sounds expensive, just saying it. Et c'est une connotation très française aussi. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Marion, qui a écrit le dialogue, mm-hmm, m'a dit que ce restaurant existe vraiment. Oh, excellent. Oui. So maybe she'll take us there, Amaury. Mais oui, j'espère. Mais ce n'est pas grave que ce restaurant soit trop cher, JP. Non? Non, car la personne, la fille qui a réservé, mm-hmm, connaît le patron. Oh, that makes a huge difference. Oui. She knows the owner. Ça aide toujours. Et donc, il leur a fait un menu spécial avec une réduction. Une réduction. This is a discount in the price, right? Oui. Okay. And let me just point out the grammar here. It's, il fait un menu spécial, so he's making a special meal for us. It's a special deal, and he's doing it for us, right? Il nous fait un menu spécial, so it's for us, nous, il nous fait. Tout à fait. Mm-hmm. Alors, quel est ce menu? Okay. On va voir ça tout de suite. Now, right. Now, remember that in English, a menu is a list of everything that's, you know, that the restaurant can make for you, right? But in French, menu refers to, maybe in America, we'd call it a combo meal or a set meal, and you have a few select choices for each course. C'est bien ça. Mm-hmm. En entrée, on a trois ou quatre choix. Okay. Après, même chose en plat principal. Okay, let's talk about the entrée. Alors, en entrée, il y a au choix une salade de chèvre chaud, mm-hmm, ou un plateau de fruits de mer. Okay. Now, you can choose between those two items, right? You don't get both. Non, malheureusement, non. Okay. C'est une amie du patron, mais quand même. Right, right. Faut choisir. So what was that first one again? Une salade de chèvre chaud. Okay, so this is a goat cheese salad, and the goat cheese is warmed up, right? It's a little bit warm. Exactement, oui. Mm, delicious. Ouais. Et alors, il est présenté généralement sur un toast, mm-hmm. avec de la salade autour. Oh, yum. Parfois, ils mettent du miel dessus. You're kidding. Oh, ah, that's delicious. A little honey on top of the cheese. Oui, exactement. Mm. Oh, the other choice is un plateau de fruits de mer. Oui. Okay, so this is the seafood platter. Now, usually this is cold, right? Un plateau de fruits de mer, mm-hmm. c'est toujours froid. Right, sometimes it's actually served on ice. Exactement, ouais. And you have to get in there with your finger sometimes and your little fork and dig in and get the stuff out of the shells. Uh-huh, c'est bien ça, oui. Mm. Sur de la glace pour que ça reste bien frais. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui est important avec les fruits de mer. Right. Faut qu'ils soient frais. Exactly. Et alors le plateau de fruits de mer, on peut l'avoir comme ici en entrée. Okay. Mais on pourrait l'avoir en plat principal. Oh, okay. Mais ici, ce n'est pas le cas. Yeah, we've got roast beef with mushrooms and a pepper sauce. Du rôti de bœuf avec champignons et sauce au poivre. Mm, sounds delicious. All right, now I should point out that this rôti de bœuf, this is not just a regular roast beef. This is no. This has been cooked on a rotisserie, so it's extra delicious. what's our second choice? Alors, un pavé de saumon et sa sauce blanche. Okay, so salmon in a white sauce. Is that like a bechamel? Oui. Okay, now the pavé, this is the salmon steak, right? It's shaped like a horseshoe. It's not the filet, but it's the steak. Oui. Okay. Oh, ça c'est bon. Yeah. Ça j'adore. We're going to find out what you're going to order too. Okay. After the breakdown. Et enfin, pour le dessert, toujours au choix. Okay. Fondant au chocolat. Mm. Ou, alors là, laisse-moi le dire aussi à l'anglais, où j'aime bien, crème brûlée. Crème brûlée. Crème brûlée. Voilà. Okay. Oh, now that is quite a difficult choice. So, crème brûlée, obviously, is crème brûlée, right? It's the creamy custard with the sugar on top that's been caramelized with either a blowtorch or maybe it's been under the salamander, under the broiler. And so it becomes caramelized and crunchy and, oh, that's a good dessert. Ouais. Je crois même que c'est du sucre brun qu'il faut mettre. Absolutely, yeah. Ouais. Mm-hmm. And the other choice is the fondant au chocolat, which is, this is a very fashionable dessert. It's that chocolate cake, but in the middle, it's not fully cooked, so it's kind of molten. Ouais. It's the molten chocolate cake. C'est excellent. Yeah. Donc, il faut absolument qu'il soit un peu chaud. Right, yeah. Attention. Mm-hmm. Attention. Et puis, il n'y a rien de pire qu'avoir un fondant au chocolat qui est froid. Oh, no. That sounds bad. Alors, nous sommes en France. Mm-hmm. Donc, on n'oublie pas le vin. Okay. So, what kind of wine are we having? On a une bouteille de vin mm-hmm. de la cuvée du patron. Okay, de la cuvée du patron. So this is the boss's, this is the manager special. Oui, c'est la façon de dire the house wine en français. Okay. Donc ils ont droit à une bouteille de vin okay. pour deux personnes. Okay, there's 11 people, so that would be... Il y en a un qui va être chanceux. All right, 6 bottles of wine and somebody's a lucky one. Et donc, dans ce menu, mm-hmm. on voit ici, le vin est compris. Oh, wow. Vin compris. So right. That's the title of our lesson. The wine is included. Mm. So, all together with the wine included, what's going to be our price? Cela va faire 30 euros par personne. Okay. Now, remember, when we're telling money totals, we're going to use faire, right? So, they say, cela fait 30 euros. So, per head, it's going to be 30 euros, which is sounds pretty good bah for oui. all that. Yeah. Tout à fait. C'est ce Absolutely. Que je disais, c'est bien. Mm-hmm. Yeah, that's very reasonable. C'est raisonnable. Et donc, son ami dit même, c'est parfait. Mm. Surtout que ce restaurant est très réputé. Okay, réputé means a good reputation. It's well reputed. Exactement. Okay. Mais il a une crainte. Il croit que la fille a oublié du champagne. Uh-oh. Et il dit, il nous faut aussi du champagne. Okay, now many of us already know this structure, il faut, right? It's necessary. And here, we just have a regular old indirect object, il nous faut, it's necessary for us. Oui. What is necessary? Du champagne. You can't have a birthday party without champagne. Jamais, JP. This is why I want to spend my birthday in France. Mais donc, elle a bien fait son travail. Okay. Puisque elle dit, j'ai pensé à tout. Okay. Chaque invité a droit à une coupe de champagne. Et là, en plus, cadeau de la maison. No way. Okay, so every guest, no, chaque invité, oui. every guest gets a cup of champagne. Now, we said une coupe de champagne, right? Oui, en France, pour parler d'un verre de champagne, mm-hmm. on dit une coupe de champagne. Okay, and It's on the house, right? Cadeau de la maison. Oh, it's a gift from the establishment. Voilà. Wow. Voilà, c'est offert. So let's listen to the dialogue again, Emily, and then we'll come back and tell you what we're going to choose on the menu. C'est parti. T'as réservé un restaurant pour l'anniversaire de Julie? Oui, pour jeudi soir, 21h. J'ai réservé pour 11 personnes au Franchouillard. Au Franchouillard? Mais c'est trop cher! Je connais le patron et il nous fait un menu spécial avec une réduction. En entrée, il y a au choix une salade de chèvre chaud ou un plateau de fruits de mer. Mmh. En plat principal, au choix du rôti de bœuf avec champignons et sauce au poivre ou pavé de saumon et sa sauce blanche. Mmh. Et pour le dessert, au choix, fondant au chocolat ou crème brûlée. Waouh! Avec une bouteille de vin de la cuvée du patron pour deux personnes, donc vin compris, cela fait 30€ par personne. C'est raisonnable, non? Ouais, c'est parfait. Surtout que ce restaurant est très réputé. Mais il nous faut aussi du champagne. J'ai pensé à tout. Chaque invité a droit à une coupe de champagne, cadeau de la maison. Waouh! Alors, JP, si on allait au Franchouillard ce soir... Mm-hmm. I wish we could go. I should have made better friends with Julie. Ouais. I would think for the entree, I would pick the plateau de fruits de mer. Because oui. I'm a sucker for seafood. I love seafood. And seafood is good in France. Oui, parce qu'il y a la côte. Mm-hmm. Absolutely, yeah. Donc, on a la possibilité d'avoir des produits frais, mm-hmm. notamment des fruits de mer de bonne qualité. Mm-hmm. What would you have as an entree? S'ils mettent un peu de miel okay. sur le chèvre, je prendrai le chèvre chaud. Okay. Mais ce n'est pas toujours le cas. Okay. Mais j'aime beaucoup les fruits de mer également. Mm-hmm. Well, I'll give you a shrimp or two. Merci. Merci. All right, so what about the plat principal? Which are you going to choose? Alors là, je choisirai le pavé de saumon et sa sauce blanche. Okay. Yeah, you know, I think I would choose the rôti de bœuf. Now the big decision for dessert. Do you want the fondant au chocolat ou de crème brûlée? Alors là, c'est vrai que c'est difficile, hein. Yeah. Alors, le fondant au chocolat quand même. You think? Ouais. Okay, I'm gonna get the crème brûlée. Ouais? Yeah. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que je prends le fondant que tu prends la crème brûlée? Well, I know that when you're not looking, you're gonna get up and get distracted. I'm gonna have a bite of your fondant. Because you're easily distracted. I'm gonna say, hey, Amélie, look over there. Bam! Et voilà, la moitié de mon fondant parti. You won't notice. You'll have drank too much wine by then. Si la cuvée du patron est un bon vin, mm-hmm. c'est probable, JP. Yeah, I know. It's gonna be a great birthday. Yeah. Donc voilà, pourquoi vous aussi ne pas venir sur frenchpod.com et sur la page des discussions et nous dire quel serait votre choix pour l'entrée, pour le plat principal et pour le dessert. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de JP ou de mon avis? Est-ce que vous êtes plutôt poisson ou viande? Mm-hmm. Venez partager vos commentaires, nous en serions ravis. Sur ce, on vous dit à très bientôt. À la prochaine.